Chapitre 14e. Le mal est fait. Brisée, anéantie, elle finit par céder au sommeil. Vers les 3 heures, elle se réveilla. Le docteur et Jenny étaient à ses côtés. « Eh bien, mon cher ami, » dit-elle en mettant à nu ses 2 bras de statue grecque. Ses yeux brillants de fièvre plongeaient dans ceux du docteur. « Calmez-vous, mon enfant, » répondit-il. « Il vit, n'est-ce pas ?»« Soyez heureuse, mais guérissez-vous, » ajouta-t-il avec tristesse. « Votre bien-aimé le veut. » « Je vais donc le revoir, » reprit-elle en regardant le ciel et murmurant une prière. L'amour avait rendu la Parisienne pieuse. « Ce soir, » dit gravement le docteur. « Tout de suite, » répliqua-t-elle en joignant les mains comme un enfant qui implore sa mère. « Je crains une émotion trop vive dans la position où vous vous trouvez. Et que m'importe de mourir sous son baiser ?» Le médecin fit signe à Jenny qui sortit et reparut avec Gaston. « Vous êtes bon, Seigneur. » soupira la malade. Adrienne se dressa sur son séant. Elle saisit dans ses bras qui, tout d'un coup, était devenu d'acier, le fiancé de son âme. Leurs lèvres se confondirent. Une larme mouilla la paupière du médecin, cette classe d'hommes qui ont abjuré les pleurs en soignant les infirmités du corps. Retiré à l'écart, il contemplait ce spectacle si doux de 2 cœurs s'aimant et qui se confondent dans un chaste baiser. Adrienne retira une de ses mains que serrait Gaston et appela Jenny. « Viens ici, ma chère enfant, que je te remercie, » dit-elle. « Un jour tu m'as fait bien du mal, mais aujourd'hui tu m'as sauvé et viens de réparer au centuple tout le mal que tu m'as fait. » Jenny pleurait. « N'est-ce pas toi qui m'as ramené mon Gaston ?» La jeune fille regarda le docteur. « C'est vrai, » dit-elle. « Docteur, c'est vous. » Elle présenta la main au médecin. « Vous êtes mes 2 amis. » ajouta-t-elle avec un sourire angélique. Gaston tenait ses lèvres appuyées sur ses blanches épaules à moitié dépouillées de la batiste qui les couvrait. Adrienne baisait ses cheveux. « Tenez, mon enfant, » dit le docteur d'une voix mal affermie. « Je m'en vais, vous gâteriez le métier, à ce soir. » Et il disparut. Restée seule avec Gaston et Jenny, elle accabla son amant de questions sur ce qui lui était arrivé. Gaston n'en savait guère plus qu'elle. S'étant trouvé plus mal, la nuit qui suivit la dernière visite de la duchesse, on était venu le chercher de sa part. Une voiture l'attendait. On le conduisit dans une maison isolée rue de la Glacière. Défense, paraît-il, avait été faite de le laisser sortir. Il avait cependant enfreint cette défense le matin même, et sans démêler les causes de ce quasi-enlèvement, il accourait à l'hôtel Bussiardin quand il rencontra le docteur. Gaston était assis auprès du lit, et tenait une main sur le cou d'Adrienne et l'autre sur son cœur. « Ils seront bien forts s'ils nous séparent à présent, » dit la jeune femme. Gaston l'attira à lui et l'embrassa comme un amant fou de passion. Adrienne s'aperçut qu'ils étaient seuls. La petite fleuriste avait quitté la chambre. Au sein de cet enivrement d'amour, elle redevint chaste. « Gaston, » lui murmura-t-elle, « ne gâte pas mon bonheur. Laisse-moi, va-t'en. Pas encore. S'il le faut, « pars, je t'en conjure. » La duchesse sonna. Jenny parut. « Tu vas m'habiller et me faire bien belle, » ajouta-t-elle en jetant un regard passionné à Gaston qui sortirait. Au bal, Adrienne fut plus séduisante que jamais. Le médecin qui était là prit Gaston à part. « Faites, » lui dit-il, « qu'elle ne se fatigue pas trop. La journée d'aujourd'hui pourrait bien la tuer. » Et il conta d'air furte tout ce qui était arrivé. Quant à la duchesse, peut-être jamais elle n'avait été si gaie. Elle avait un mot aimable pour chacun. Le duc trouvait sa femme ravissante. Vers le milieu du bal, Madame la baronne de Neuburg fit son entrée. Madame de Bussiardin donnait le bras à Gaston avec qui elle dansa un quadrille, le seul qu'elle voulut danser cette nuit-là, puisqu'elle était maîtresse de maison. Adrienne, en la voyant, porta la main à la poitrine où elle sentit une douleur. La baronne, en apercevant Gaston, pâlit. Le semblant d'amitié qui jusqu'alors avait uni les 2 femmes disparut complètement. Le duc donna le bras à la baronne, son ancienne maîtresse. Ils se promenèrent longtemps ensemble. Le docteur avait toujours les yeux sur elle. Plusieurs jeunes gens vinrent la saluer. Madame de Neuburg, en quittant le duc, lui dit « Votre femme est ravissante ce soir. »« Trop belle, » murmura le médecin qui s'était approché. « Le mal est fait. » La baronne se retourna. « Quelle bonne nouvelle, docteur » dit-elle avec une ironie amère. Y a-t-il beaucoup de malades ? Le docteur lui prenait la main comme pour la baiser. Il la serra dans une étreinte d'acier. Le quadrille était fini et la duchesse passait auprès d'eux. « En voilà une, » murmura-t-il, « malade d'amour. » Le billet noir en a fait une morte vivante. Madame de Neuburg retira sa main et son regard chercha à deviner. La femme du monde reprit aussitôt son calme. « Savez-vous que vous êtes fort sombre ce soir et que la mauvaise humeur s'y est mal au bal ? Au surplus, les médecins sont faits pour vivre avec les morts et les mourants. Toujours est-il que je ne vous voudrais pas à mes derniers moments. J'aime trop le rire et je veux m'en aller gaiement. » Le docteur avait repris la main fine et allongée de la baronne. Il la contempla un instant. « Madame, je ne me serais jamais douté qu'une main aussi charmante pût creuser si vite une tombe. » Madame de Neuburg sourit pour dissimuler son trouble. « Que voulez-vous dire ? » répondit-elle d'une voix mal assurée. Elle se trouva seule. Le bal finit très tard. Au souper qui eut lieu à 7 heures, la maîtresse de maison dit à Gaston « Je me suis bien fatiguée. Je n'en puis plus. À demain soir. » Le médecin sortit avec Gaston. Ils causèrent d'Adrienne. Ils étaient amis et tous deux l'aimaient l'un comme amant, l'autre comme un père. « Aimez-la bien, » répéta le vieillard au jeune homme lorsqu'ils se séparèrent. « Elle est si bonne. Puis l'amour peut peut-être la sauver. » « Elle est donc en danger ?» s'écria Gaston, qui comprit la sollicitude du docteur et le dernier mot d'Adrienne. « Je n'en puis plus. »« Vous la sauverez, docteur ?»« Dites, nous l'aimerons. » Quelques jours après, la jeune femme toussait.